Canicule, Alzheimer, rhumatisme, mal de dos, urticaire, Parkinson. Partagez vos infections, faites pas vos radins. Mal de dos, urticaire, Parkinson. Partagez vos infections, faites pas vos radins. Il nous pique toutes les maladies, il n'en laisse pas à la jeunesse. Nos plus grands ennemis, les vieux et leur putain de sagesse. Phlébite, arthrose, prostate, varice, surdité, pacemaker. Partagez vos infections, faites pas vos radins. N'en laisse pas à la jeunesse. Ce sont nos plus grands ennemis, les vieux et leur putain de sagesse. Hernie discale, incontinence, hypertension, dénutrition, fémur pété, cataracte. Partagez vos infections, faites pas vos radins. À la jeunesse. Ce sont nos plus grands ennemis, les vieux et leur putain de sagesse. Bon, allez, soyez sympas. Je sais pas, une petite cataracte ou un petit pacemaker, j'en sais rien, mais soyez sympas, partagez vos infections, merde. Putain, vous êtes vraiment pas sympas, les vieux, quoi. Partagez vos infections, partagez vos infections, partagez vos infections, partagez vos infections, partagez vos infections, partagez vos infections, partagez vos infections, partagez.